monde, na tout le monde, na tout le monde, oh, ça me dit soi. Everybody who sat in the net, everybody who sat in the net, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody who sat in the net. Everybody, oh, everybody, na everybody, na everybody, everybody, you sat in the net. Pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes,